Rends-moi mon trône comme Arthur. Soulève la rue comme on soulève le Graal. Soulève la rue comme on soulève le Graal. Soulève la rue comme on soulève le Graal. Soulève la rue. Parti de rien, j'arrive au top. Parti de rien, j'arrive au top. Demain c'est loin, je vise le sommet. Demain c'est loin, je vise le sommet. Tu me voyais passer ma bouche sale, toi. T'as sous-estimé l'animal, toi. Les mains noires et le regard bresson. Dans les tranchées, j'ai pas de rival, moi. Mon canard sur mon armure sort le glaive. Réveille tous les démons, laisse le cœur en grève. Sors du gouffre, toutes les minutes j'en souffre, toutes les heures j'entraîne. Je me relève, je me réveille en cauchemar quand je meurs en rêve. Une rafale dans la trêve, en terrain mendiant quand un roi s'élève. Levé de victoire sur le bout des lèvres. Demain effacera tous les graves. Mon blaze une majuscule à toutes les lettres. Au crépuscule ma gueule, on sort les armes. Parti de rien, j'arrive au top. Parti de rien, j'arrive au top. Demain c'est loin, je vise le sommet. Demain c'est loin, je vise le sommet. Parti de rien, j'arrive au top. Parti de rien, j'arrive au top. Demain c'est loin, je vise le sommet. Demain c'est loin, je vise le sommet. On me doit tout et moi je dois rien, je crois. Le monde est tout ce qui me revient de droit. Le destin ne pose pas de questions. J'ai le cœur en feu quand revient le froid. J'attaque en pointe, le moral aiguisé. Millimètre et flèche, ma gueule, on s'est visé. Déguisé, méchant sur les champs de bataille Élysée. J'ai misé, tout ce qui reste de force à mourir épuisé. L'espoir est brisé, saigné, faire saigner, régner sans diviser. Devenu un prince, oublie le crapaud. Plus près du soleil, mon cœur est un drone. J'épongerai le sang dans mon drapeau. Juste un élu qui récupère son trône. Parti de rien, j'arrive au top. Demain c'est loin, je vise le sommet.